partage le fond et la forme. Bon, comme dans le passé, je vais revendiquer. Car ce qui importe pour moi, c'est la vérité. Ce qui ne va pas, je vais te l'indiquer. Lève ton bras, car là, je vais m'impliquer. Regarde, vif, œil critique. C'est avec pertinence que je revendique. Sur ce fond qui bite, t'as à l'ancienne. DJ Médis, scratch, moi, je revendique. Je revendique et je dis qu'il y a trop de paperasse pour s'inscrire aux acédiques ou à la CAF. Encore plus galère pour un appart. Sans fausse fiche de paye, tu t'en sors hop. C'est comme si on poussait les gens à tricher. Rares sont ceux qui gagnent trois fois le prix du loyer. Voyez les gens sous les dettes sont broyés, noyés. Qu'est-ce que vous croyez? Ça y est, ils ont la tête sous l'eau. N'y arrivent pas, même avec un boulot, ne s'en sortent pas. Les gens vivent sous crédit, c'est dit. À mes côtés, Teddy, Mehdi, Boubacar. Et je suis reparti. Je revendique et je dis qu'avec l'euro tout a augmenté. J'ai l'impression que les commerçants ont bien gratté. On a voulu nous faire croire que les prix n'ont pas changé, mais j'ai des yeux pour voir et j'ai compté. Je ressens le vide dans mes poches. Tout le monde se plaint, des plus éloignés aux plus proches. C'est la crise, les gens sont dans la rue, font face aux élus. Plus de retraite, plus de sécu. T'as vu ça? La France change, et je t'assure que les plus pauvres ne gagnent pas au change. Donc je revendique avec sincérité, et de ma bouche ne s'échappe une vérité. Yeah! Frangin, faut que tu lèves ta main quand Kerry James revendique et s'implique. Je t'explique, t'as le fond et la forme. L'instru, ça tue, c'est tue. Que d'Orly jusqu'à Garges les gonesses. Dans sa revendication, tous les gens s'y reconnaissent. Demande-leur Kerry James y connaissent. Rapport authentique, véridique et honnête. Je revendique et je dis que certains flics ont la langue légère et la gâchette facile. Et quand abusivement ils tuent, ils sont mutés, provisoirement suspendus, mais jamais détenus. Ainsi ils ne prennent que du sourcil pour avoir injustement retiré une vie. T'as vu ça, ceci pousse mes frères à croire qu'il y a une justice pour les Arabes et les Noirs. Je revendique et je dis qu'il y a trop de monde qui insulte la police pour que dalle se comporte dans la rue en vandale. Donc t'étonne pas que le Pen soit très con, les remballe. Je revendique et j'indique que certains jeunes contribuent à la montée du racisme dans nos rues. Vu qu'ils alimentent la peur chez les Français, entre les deux France creuse le fossé. Je revendique dans les médias et dis que les médias ont faussé les dernières élections présidentielles. Tu te rappelles l'insécurité comme générique. Ils ont maintenu la France dans la panique. Qu'ils s'étonnent pas que les gens aient voté FN, puisqu'ils ont confirmé Jean-Marie Le Pen. Ils disent immigration dans nos banlieues, et banlieue égale vol, drogue et violence. Que veux-tu que le français moyen pense? Je dis qu'il y a eu trafic d'influence. Les Français se sont fait manipuler. De ma bouche ne s'échappe que vérité reculée. Frangin, faut que tu lèves ta main quand Kerry James revendique et s'implique. Je t'explique, t'as le fond et la forme. Le contenu, l'instru, ça tue, ça tue. Que d'Orly jusqu'à Garges les gonesses. Dans sa revendication, tous les gens s'y reconnaissent. Demande-leur Kerry James y connaissent. Rapport authentique, véridique et honnête. Ok, avec moi, mon ami, mon DJ, féroce comme le Terminator X. Faut que tu le respectes. DJ Médis Trash. Bon, là, je revendique pour l'Afrique. Juste une question, où est passé notre fric? Une terre si riche en matières premières. Et maintenant du monde, on serait le tiers. Ils se sont emparés de nos richesses. En échange de coups de fouet, est-ce qu'ils laissent? Au mien, c'est une mémoire d'esclave. Même aujourd'hui, ils tuent nos braves. Plus de 400 ans d'esclavage. Et l'Afrique envers eux aurait une dette. Faut être bête ou peu honnête pour pas reconnaître qu'il y a là une incohérence. L'Occident étant son influence, qui proteste paix pour son imprudence. Organisation de coups d'État, assassinat ciblé et vendetta. L'Afrique se relève pas, son économie ne s'en redresse pas. Car en ce qui concerne ses chefs d'État, il faut admettre qu'ils ont un fort penchant pour la corruption. Mais là aussi t'inquiète, j'ai des revendications. Comment ces hommes ont trahir leur nation? Le fric vaut-il mieux que l'honneur? Ont-ils troqué la paix pour l'horreur? Je revendique et j'indique qu'il y a trop de noirs qui sont restés prisonniers de leur histoire. Esclaves du passé comme au présent, incapable d'aller de l'avant. Je revendique, j'indique qu'à mon sens, nécessairement le rap doit avoir un sens. Puisqu'il a sans aucun doute une influence, une conséquence sur ce que sont nos jeunes. La vie ce n'est pas que fric et gun. Ce n'est pas tout noir comme ce n'est pas tout fun. Ainsi quand je prends le micro et je revendique, c'est que j'ai conscience du poids des mots. Yeah! Frangin, faut que tu lèves ta main quand Kerry James revendique et s'implique. jeunes ils connaissent. Un peu authentique, véridique et honnête. Ok, ce son, c'est pour tous les rebelles. Ceux qui savent ce qu'est la vraie rébellion. Avec finesse, je revendique pour mon peuple, pour les miens, pour les gens bien. Ce qui m'importe c'est la vérité. Ce qui m'importe c'est la vérité. DJ Medi, Scratch, Jesse Corona, Boubacar, Jeff Dominguez, Mix Lassic. Je balance le verbalistique verdict. Ça c'est du rap, pas de doute. Ça c'est du rap, P.E. Dédicace à Chuck D, Flavor. Si t'aimes pas son, c'est qu'en réalité t'aimes pas le rap. Si t'aimes pas son, c'est que tu connais pas le rap. Écoute ça, c'est à l'ancienne. Ça date pas de 5 ou 6 ans. Et si t'aimes pas, refais-toi une culture, Kerry James. Tu sais quoi? L'anstectomine. Come on.